Impossible d'évoquer la douleur sans évoquer le malade imaginaire de Molière, Argan. Argan, c'est la figure de la douleur faite homme, de la douleur devenue un état permanent. Dans L'homme douloureux, ouvrage écrit par Guy Simonet, Bernard Laurent, David Le Breton, respectivement neurobiologiste, médecin de la douleur et anthropologue, tout le propos part justement de cette première distinction entre une douleur symptôme et une douleur chronique, devenue maladie à part entière. Et cette douleur maladie est l'un des enjeux majeurs, selon eux, de la médecine aujourd'hui, car elle implique de revenir sur toute une conception que l'on a de l'homme malade. Un homme réduit à un corps dont seuls quelques mécanismes enrayés créent de la douleur. Mais que dire aujourd'hui de cette douleur, donc, qui n'est liée à aucune cause physique claire et curable, mais relève de la personne tout entière? Si la médecine doit la prendre au sérieux, comment la traiter? Comment la définir? Que dit-elle de nous? La douleur serait-elle devenue une manière de vivre pour beaucoup, une manière d'être? Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. J'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, par exemple, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Aïe! Ah oui? On dirait que ça me fait mal. Voilà les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Et peut-être, madame, les artères du cerveau en tuyau de pipe. Ciel! Juger de l'évolution de la douleur, voir comment elle est passée d'un symptôme à un état, une manière de vivre et d'être, suppose de voir comment elle se manifeste, à travers quels signes elle apparaît. Mais ce qui est ambigu avec la douleur, c'est qu'on a malgré cela toujours tendance à l'associer à un mal précis. Même quand elle est chronique, qu'on soit le patient ou le soignant, on essaie toujours d'en trouver la cause concrète. Mais où situer la douleur quand elle est tout le temps là, quand elle nous accompagne au jour le jour et nous déborde? Plutôt que de demander qu'est-ce que la douleur, quelle en est la cause, on devrait ainsi se demander quelle forme elle prend. Comment elle traverse le corps, le transforme, jusqu'à prendre toute la personne, jusqu'à saisir même sa parole et faire de tous ses mots des plaintes incessantes. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. La douleur a donc ceci de particulier aujourd'hui. Elle infuse le corps, l'esprit, nos gestes, nos visages, nos paroles. Dans Ninfa Dolorosa, le philosophe et historien de l'art, Georges Didier Huberman, mène l'enquête sur tous ces gestes de lamentation qui ont été travaillés par les artistes. Le deuil, la souffrance, la peine. La douleur s'exprime autant qu'elle se regarde, elle a forcément quelque chose de la mise en scène, du spectacle. On montre que l'on va mal, que l'on est mal, on le dit, on l'exprime, ce qui jette forcément le trouble sur la véracité de la douleur. Alors même qu'elle se généralise et qu'elle est prise au sérieux, la douleur est malgré tout suspecte d'être jouée, d'être fausse. Mais pourquoi il y aurait là un problème? Si la douleur ne tient plus à l'objectivité mais au sujet lui-même, autant le prendre lui au sérieux, même quand il en fait trop. Car là est la douleur, dans cette insistance à dire que l'on va mal, peu importe si c'est vrai ou pas. Merci beaucoup Géraldine. Rappelez-nous le titre des deux livres dont vous venez nous parler et que vous avez sous les yeux. Alors ce sont deux livres très différents. Il y a d'abord le livre de Georges Didier Huberman, Ninfa Dolorosa, essai sur la mémoire d'un geste qui est paru chez Gallimard. Là c'est vraiment un livre d'histoire de l'art. Et puis un livre de Guy Simonet, Bernard Laurent, David Le Breton, donc L'homme douloureux chez Odile Jacob. Et là c'est beaucoup plus un ouvrage scientifique, un travail sur la douleur aujourd'hui. Eh ben merci et merci pour le malade imaginaire, Knock et Camille. Quelle belle chanson. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Pauline Desmier, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Hubert qui était à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi, Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Avant-dernier Profession Philosophe de la saison, ce sera Luc Ferry qui sera au micro des Chemins de la Philosophie. D'ici là, pour écouter cette série sur Romère, malgré un épisode en moins, hein, la série a été tronquée par le mouvement de grève qui a eu lieu mardi dernier, il en reste quand même 3 à écouter. Ils sont tous disponibles en ligne sur le site de France Culture ou bien en podcast hein, via le site d'iTunes ou le fil RSS. Vous choisissez le moyen qui est le plus adapté à votre système d'écoute et vous pouvez écouter chaque émission quand vous voulez, où vous voulez et avec qui vous voulez. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Vous le savez, les Chemins de la Philosophie ont un compte Instagram, un compte Twitter, un compte Facebook. Impossible de nous rater. À demain, 10h, donc nous on sera là en tout cas. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.